Vous écoutez toujours Futur Simple sur CKRL et nous au 89.1 et nous terminons cette émission spéciale sur l'eau pour nous concentrer sur les usages de l'eau. Parce que bien sûr, on se sert de l'eau pour notre alimentation, notre toilette, mais je voudrais qu'on aborde plus spécifiquement les usages industriels et agricoles. Donc, ça va être au tour de Peter Van Regem peut-être de nous parler des usages industriels. Oui, c'est bon. Oui. Ah, partout on utilise l'eau. Oui, on utilise l'eau, mais est-ce qu'on en... Bon, ça rentre dans les procédés industriels, mais est-ce que... J'ai l'impression qu'il y a comme deux façons d'utiliser l'eau dans les industries. Il y a l'eau qui peut rentrer, qui peut faire partie, qui peut être un ingrédient du produit final, et sinon l'eau qui est comme peut-être pour nettoyer ou pour refroidir un système. Donc c'est comme deux usages un peu différents. Je ne sais pas s'il y a vraiment beaucoup d'usages. Bien sûr, la boisson, c'est clair, mais autre que l'eau fait vraiment partie de... du produit qu'on sort, parce qu'on utilise l'eau dans beaucoup d'activités quand on veut faire des réactions, quand on veut faire le nettoyage des équipements, quand on fait des productions chimiques. Il y a toujours dans un solvant qui est l'eau qui est très, très utile. Puis ce qui est important de voir, c'est dans l'industrie, on utilise différentes qualités de l'eau. Donc, comme j'ai déjà mentionné, pour l'eau qu'on utilise à la maison, il y a différentes qualités de l'eau qu'on doit utiliser, parce qu'il y a l'eau très pure quand on est en pharmacie, par exemple. On a des productions d'électronique. Des chips, c'est quand on utilise l'eau là, c'est de l'eau, il y a presque plus rien, c'est de l'eau distillée presque. Ah ouais. Mm-hmm. Tandis que quand on fait le nettoyage, on peut faire le nettoyage en papetière, c'est de l'eau qui est vraiment déjà contaminée, qu'on peut utiliser déjà pour nettoyer les grosses choses. Puis après, on va raffiner l'eau. Donc il y a différents niveaux de qualité de l'eau qu'on doit utiliser. Puis la réutilisation de l'eau dans une industrie, ça permet de réduire beaucoup la quantité d'eau qu'on a besoin. Ce qui fait que le pompage de l'eau, le fait qu'on va épuiser les sources d'eau, ça va être beaucoup moins grand quand on peut les réutiliser. Donc, il y a beaucoup d'efforts là-dessus. Mais en fait, c'est une question que je me posais aussi. Est-ce qu'on prend de l'eau potable pour tous ces usages ou c'est l'eau qu'on puise dans la nature? Céline? Ben, c'est souvent des eaux de surface là. Donc ici au Québec, je pense qu'à peu près, c'est surtout le fleuve Saint-Laurent là. On voit ça aussi, par exemple, l'industrie de pâte et papier, c'est très concentré autour des grandes rivières là, le fleuve puis la rivière Saguenay aussi là. Donc c'est surtout l'eau de surface qu'on va aller utiliser. Ok, donc c'est pas de l'eau potable qu'on utilise pour nettoyer les équipements. Non, parce que ce n'est pas nécessaire. Mais il y a des utilisations d'eau potable pour refroidir des équipements, par exemple. Ce qui n'est vraiment pas une bonne utilisation parce que c'est une qualité de l'eau qu'on n'a vraiment pas besoin. Donc, le fait qu'on commence à compter l'eau, les compteurs d'eau pour les industries, ça fait qu'on voit une réduction importante de cet mauvais usage de l'eau potable. Et en deux mots aussi, peut-être pour les usages agricoles. Donc là aussi, c'est de l'eau qui est prélevée où? C'est dans des eaux de surface également? Je pense que c'est aussi souterrain. C'est aussi eau de surface, mais aussi au souterrain, en fait, qu'on va utiliser, eau de puits. C'est ça. Là aussi, la réutilisation, c'est importante. Là, on utilise de plus en plus l'eau qu'on a déjà utilisée, par exemple, comme eau pour irriguer nos champs ou même pour nettoyer, en fait, les tracteurs ou des choses comme ça. Ouais. Et ce qu'on fait aussi, c'est ce qui est bon, c'est on parle d'agriculture intelligente où on va réduire la quantité d'eau qu'on va irriguer parce qu'on va presque regarder la plante, est-ce qu'elle a besoin d'eau, parce qu'elle elle montre qu'elle a besoin d'eau parce que les feuilles tombent ou dans notre couleur même. On peut donc voir combien de ajuster d'eau. Puis une des axes de recherche, thématique de recherche, c'est vraiment l'agriculture de centre, agriculture de précision. Donc revenons-en aux usages industriels, parce que vous disiez, bon, on va utiliser cette eau pour nettoyer. Mais donc, si on utilise de l'eau pour nettoyer, nécessairement, elle ne ressort pas très propre. Non. Donc, on fait quoi à la sortie avec ces eaux sales? Il y a deux choses. Ou bien on va le traiter, l'industrie même va le traiter avant de le mettre dans l'égout, ou même dans la rivière. Quand ça va dans la rivière, c'est vraiment, il y a des normes très strictes. Le traitement doit être très bien fait. Mais souvent dans les villes, on va voir que l'industrie va avoir un permis de rejeter l'eau partiellement traitée vers le réseau d'égout, puis ça va être traité finalement dans la station d'épuration de la ville même. Et est-ce que, même si ce n'est pas de l'eau potable, c'est quand même de l'eau qui vient de... qui est de la propriété collective, est-ce que les usines, les industries payent quelque chose pour prélever de l'eau comme ça dans le milieu naturel? Et est-ce qu'elles sont limitées en quantité? Est-ce qu'elles peuvent prélever tout ce qu'elles veulent? Je pense qu'ils ont des permis, mais je ne suis pas spécialiste là-dedans. Il y a la loi sur l'eau, en fait, qui a là-dedans, il y a des réglementations justement sur les prélèvements. Je pense que les quantités sont quand même limitées, là. Mais c'est sûr que c'est par industrie. Donc, il y a certaines industries qui utilisent plus d'eau que d'autres, puis tu sais, le gouvernement est quand même conscient de ça. Donc, ouais, je pense que c'est quand même raisonnable, mais c'est réglementé quand même, oui. Mm-hmm. Donc, qu'est-ce qui est... là, on a dit qu'il y a quand même des traitements qui se font. On ne remet pas des eaux bon, vraiment sales dans le milieu récepteur. Donc, qu'est-ce qui se... comment on fait pour purifier ces... pour nettoyer ces eaux-là? Et qu'est-ce qu'on fait après? Parce que bien souvent... Il faut dire que chaque industrie, chaque eau industrielle est un peu différente. Il y a toute une spécialité dans le génie chimique, je pense, surtout. On va faire... regarder qu'est-ce qu'on fait pour certaines eaux usées industrielles, parce qu'il y a des minéraux dedans. Il y a des produits qu'on ne trouve pas souvent dans les eaux municipales. Donc, il faut faire chaque fois un choix de procédé unitaire, qu'on dit, mettre des choses ensemble pour avoir un effluent qui va finalement être rejetable. Mm-hmm. Bon, ça peut être, des fois, ça peut être une simple filtration là, pour enlever des grosses particules, mais ça peut être aussi vraiment un traitement plus poussé là, pour enlever, par exemple, des métaux dans l'industrie métallurgie ou pour enlever ben, justement les virus, les pathogènes, puis tout ça. Donc, par exemple, par chloration ou des choses comme ça. Donc, ça dépend vraiment de la qualité qu'on a de l'effluent, puis aussi de la qualité qu'on veut par la suite pour, par exemple, la réutilisation ou... C'est à la charge donc, de chaque industrie qui va adapter son propre système en fonction de la... Mais ils vont trouver des consultants qui vont le faire. Ce n'est pas l'industrie même qui va avoir la capacité de le faire. Okay. C'est assez compliqué, mais il y a des consultants qui sont spécialisés là-dedans. Ouais. Et est-ce qu'on peut valoriser, parce que bon, il y a l'eau et bien sûr souvent, on en sort aussi une espèce de boule, un mélange. Là. Donc, est-ce qu'on peut... Parce que vous disiez qu'il y a des éléments minéraux. Alors, plutôt que d'aller chercher des éléments minéraux dans le nord, qui vont ensuite... l'activité minière va polluer les eaux de souterraines. Donc, est-ce qu'on peut aller rechercher ces minéraux dans les boues? Oui, ben, sûrement. Oui, souvent, si on traite, en fait, justement, les eaux usées, il y a souvent des procédés biologiques, par exemple, puis on va accumuler, en fait, les nutriments dans les bactéries. Donc, par exemple, l'azote et le phosphore. Donc, c'est des nutriments dont on a besoin, justement, pour survivre. Puis, ce qu'on fait de plus en plus, c'est donc actuellement, en fait, au Québec, ce qu'on fait, c'est encore l'enfouissement ou l'incinération de ces boues-là. Mm-hmm. Mais, en fait, donc, il s'en vient, en fait, une nouvelle politique québécoise, justement, de valorisation de ces boues. Donc, c'est comme ça qu'on voit de plus en plus des usines de biométhanisation ou justement de compostage donc pour produire des engrais, en fait, qui peuvent être recyclés dans le secteur agricole. Puis, par le procédé de biométhanisation, on peut aussi, en même temps, produire de l'énergie renouvelable. Oui. Donc, c'est ça, peut-être, la mission de BioEngine, c'est ça, dont vous êtes directrice? Oui, entre autres. Oui. Ouais. Donc, ça, BioEngine, c'est un groupe de recherche au sein du Centro? Oui. D'accord. D'accord. Donc, comment on fait pour biométhanisation? Parce qu'on entend souvent le terme de biométhanisation. On devait avoir même une usine de biométhanisation à Québec. Je ne sais pas où en est le projet. Mais oui, ben, donc, en fait... On le fait quoi? Est-ce qu'on le fait à partir des eaux, des boues produites par les industries ou par les boues produites par la station d'épuration des eaux usées de la ville? Ici, à la ville de Québec, bon, il va y avoir une usine. Ils vont traiter 100 000 tonnes de boues par an, mais c'est des boues municipales. Puis, ensemble avec ça, on va traiter aussi 100 000 tonnes par an à peu près de déchets alimentaires. Donc, on va les traiter en fait ensemble pour justement produire dans un réacteur fermé, ça se passe. C'est une sorte de fermentation pour produire du méthane surtout, qu'on peut par la suite valoriser. Donc ici, on va l'injecter par exemple dans le réseau d'énergie. Donc avant, c'était gaz métro. Ce qui reste, donc c'est pas de l'eau propre encore. Donc ce qui reste, c'est encore une soupe brune en fait, mais c'est ce qu'on appelle le digestat, donc ce qui est digéré. Puis c'est là qu'on peut aller chercher encore les nutriments pour les recycler dans le secteur agricole en fait, et ainsi remplacer les engrais chimiques qu'on utilise actuellement. Ah oui, d'accord. Donc on a à la fois la production de biogaz. Bon, qui ira donc servir au chauffage, peut-être. Oui, c'est ça. Et sinon, donc une autre, dans ce qui reste, là, on peut encore aller chercher des nutriments, de la matière organique qui va servir d'engrais. D'accord. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est quelque chose qui... Est-ce qu'on est capable... Il doit falloir caractériser aussi, parce qu'on dit les engrais, il y a NPK... azote, merci. Potassium, Donc là, il va falloir être capable de doser ce qui sort spécifiquement de ces restants-là pour donner aux agriculteurs ce dont ils ont besoin. Est-ce qu'on est capable de faire ça? Oui, mais c'est très variable. Donc, en fait, déjà, la qualité des boues, c'est très variable. Donc, la quantité d'azote, phosphore dans les boues, donc ça dépend vraiment des procédés en amont. Donc, la qualité de ces engrais-là, c'est variable aussi, mais c'est exactement pour ça qu'on fait la modélisation aussi de ces procédés-là pour justement être capable de prédire basé sur ce qu'on a à l'entrée du procédé, donc qu'est-ce qui va sortir, puis essayer de contrôler aussi la qualité par après. Il faut dire ici à Québec, ce qu'on va sortir, c'est l'azote. Hein? On ne va pas récupérer le phosphore ni le potasse, parce qu'on n'a pas assez de potasse et de phosphore dans l'eau usée, les boues qu'on traite. Donc c'est surtout l'azote qu'on va produire, puis on va mélanger ça après avec le phosphate et le potassium pour faire du NPK, des engrais de potassium. On va compléter. C'est seulement la partie N qu'on va remplacer avec des fertilisants récupérés. Ouais. Et où en sont, très rapidement, là, où en sont les autres projets de biométhanisation au Québec, dans les autres villes? Ben, il y a déjà un projet de biométhanisation à Saint-Hyacinthe, par exemple, puis à Rivière-du-Loup, puis à Varennes aussi. Donc, ça avance, puis ça s'en vient, puis... c'est vraiment. Ben, en fait, le gouvernement donne des subventions justement pour ce type de projet parce qu'ils veulent vraiment d'ici 2022, ils veulent vraiment interdire en fait l'enfouissement et l'incinération des matières organiques. Donc, c'est pour ça que toutes les municipalités, en fait, ils doivent changer leurs habitudes. Très bien. Donc, des eaux souterraines aux eaux de pluie en passant par les eaux usées, ben, ça nous donne quand même une vision assez élargie de toute cette eau, outre l'eau qu'on boit et avec celle dont on se lave Et ça nous donne aussi un aperçu de toutes ces recherches qui se font au Centre-Eau. Alors, je vous remercie tous les cinq d'être venus autour de nos micros pour nous parler de vos travaux de recherche. Plaisir. Oui.